supporte plus le bruit de la pluie. La vodka me dévore les entrailles. Je ne sais même plus s'il fait jour ou nuit. Comme un bateau sans gouvernail, je me sens seul encore une fois. Je rentre lentement vers mon appartement. La vie tant bien que mal, sur le pavé j'ai froid. Je vais attendre bien sagement la fin du cauchemar. Je dérive dans les eaux profondes. Besoin de me reposer quelque part. Mais ne croise que les ombres. Tu as commencé à sombrer. Personne, plus personne ne te rattraper. Pourtant tellement de gens, mais tous indifférents. Tu as commencé. Satanée bouteille.